Dans le cadre de ce podcast, je vous propose que nous réfléchissions à l'articulation entre liberté et sécurité. Il ne s'agit pas de proposer une analyse exhaustive du problème, mais de poser quelques grands enjeux afin de comprendre la question. Comme point de départ, donnons-nous des définitions élémentaires des notions. La liberté renvoie à la capacité de se déterminer soi-même, de déterminer sa conduite, et d'agir ensuite sans contrainte, tandis que la sécurité renvoie à la garantie de bénéficier de la protection de sa personne et de ses biens. L'articulation entre liberté et sécurité est un problème qui se pose au moins depuis le début de ce que l'on appelle la modernité politique, commencée aux environs du XVIe, XVIIe siècle. La modernité politique renvoie à trois grands processus. Premièrement, le phénomène de séparation entre le politique et le religieux, ce qu'on appelle aussi la sécularisation des institutions politiques. En second lieu, le processus d'affirmation de l'individu. On parle aussi d'individualisme moderne. C'est l'idée que l'individu s'affirme par rapport aux autorités traditionnelles, aux communautés. La valeur de l'individu est reconnue alors qu'on pouvait penser qu'auparavant on vivait dans le cadre de sociétés plus holistes, c'est-à-dire dans lequel la communauté prime sur l'individu, les autorités priment sur l'individu. Et donc dans le cadre de cet individualisme moderne, les personnes vont revendiquer leurs droits, un droit personnel étant une garantie légale de l'exercice de certaines libertés. Enfin, troisième processus, c'est celui d'affirmation de l'État moderne, c'est-à-dire la constitution d'autorités politiques qui prétendent exercer une autorité exclusive sur un territoire, notamment par l'intermédiaire des lois qu'elles édictent, et autorités qui vont concentrer entre leurs mains un certain nombre de pouvoirs, donc notamment voilà, le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de rendre la justice, le pouvoir de faire exécuter les lois. Donc processus qui s'affirme sur le fond d'une à la fois désagrégation du système féodal, c'est-à-dire qui était caractérisé par l'éclatement des structures de pouvoir, et ainsi qu'une affirmation des États par rapport à l'autorité de l'Église qui, au Moyen-Âge, revendiquait une forme de patronage sur les gouvernements des États. Voilà, la modernité politique, ça renvoie à ces trois dynamiques. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a ce problème de la liberté et de la sécurité qui va se poser? Eh bien, ça renvoie à la tension qui va exister entre deux des processus de la modernité politique, c'est-à-dire d'un côté l'affirmation de l'individu, de l'autre l'affirmation de l'État. On a d'un côté les individus qui étendent leur autonomie, en tout cas qui revendiquent davantage d'autonomie, qui revendiquent davantage de liberté, et de l'autre, un État qui s'organise, qui rationalise sa façon de fonctionner, qui impose sa loi, et donc qui étend son pouvoir. Donc il y a une tension entre ces deux processus qui caractérisent l'un et l'autre la modernité politique. Alors, trois grandes théories politiques normatives, donc théories politiques qui proposent un modèle de fonctionnement de la société, ont chacune défendu une manière d'articuler liberté et sécurité, en schématisant quelque peu. Alors, première grande théorie politique normative moderne qui articule sécurité et liberté, ce qu'on pourrait appeler la théorie politique autoritaire, l'autoritarisme. La figure philosophique qui représente ce courant, ce serait Thomas Hobbes, un philosophe anglais du XVIIe siècle, qui était un partisan de la monarchie, notamment de la famille Stuart dans le contexte de la guerre civile anglaise. Bon, Thomas Hobbes, lui, part d'un constat, c'est d'une forme d'incompatibilité, ou du moins de tension, entre liberté et sécurité. Thomas Hobbes analyse l'idée que Un excès de liberté pourrait conduire à une forme de guerre de tous contre tous. C'est une situation qu'il imagine, une situation imaginaire, celle d'une absence totale d'organisation politique, d'autorité politique, ce qu'il appelle l'état de nature. Et cet état de nature, situation où chacun est livré à lui-même et peut agir comme il le veut, comme il l'entend, eh bien Hobbes nous dit, cette situation ne manquerait pas de conduire à une forme de conflit permanent, de tension permanente. Chacun vivrait dans la peur et ce serait donc une situation insupportable. C'est pourquoi Hobbes en tire la conclusion que les individus nécessairement finiraient par s'associer et par se doter d'institutions communes. Il nous dit que les individus sont prêts à accepter la constitution d'un État auquel ils consentent d'obéir. Parce que pour mettre fin à cette situation insupportable de liberté totale. Voilà, la liberté totale, c'est insupportable parce que on vit en permanence dans la peur. Donc les individus constituent l'État, donc ils reconnaissent une autorité et ils lui transfèrent leurs droits, hein, leurs droits naturels, c'est-à-dire leur liberté de faire ce qu'ils voulaient à l'état de nature. Ils l'abandonnent d'une certaine façon. Et en échange, donc, l'État va instaurer l'ordre par les lois qu'il impose, ces lois constituant des limites à la liberté, les lois restreignant la liberté au nom d'une sécurité qu'elles rendent possible. Donc chez Hobbes, si l'État est créé par les citoyens et qu'il tire sa légitimité de la protection qu'il leur offre et donc du transfert de droits qu'ils ont admis, en échange de cette sécurité, on voit bien que l'État se constitue bien comme une autorité en quelque sorte indépendante, surplombante par rapport au peuple dont il assure la cohésion. Hein, pour Hobbes, tant qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas encore vraiment de peuple, il n'y a qu'une multitude, c'est-à-dire des gens qui sont les uns à côté des autres, c'est le fait de s'être unis par une forme de contrat, de pacte social, et ensuite de s'être doté d'institutions communes qui fait exister le peuple en tant que collectivité. Voilà, donc première articulation entre liberté et sécurité, qui est marquée sous le règne de la tension, hein, de l'opposition, voire de l'incompatibilité, avec l'idée que pour instaurer la sécurité, il est nécessaire de restreindre la liberté. Deuxième théorie politique qui cherche à articuler ces deux notions, ça va être ce qu'on appelle le libéralisme politique, dont le fondateur, hein, en tout cas l'une des figures fondatrices, est le philosophe anglais John Locke, qui est aussi un auteur du XVIIe siècle, un petit peu plus tardif que Hobbes, écrit quelques années après Hobbes. Donc pour Locke, dans la perspective libérale, l'État est constitué en vue de garantir les droits individuels. Hein, donc pour Locke, les individus ont des droits naturels, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de libertés fondamentales. Tout être humain dispose de certaines libertés fondamentales qu'il doit pouvoir exercer. Et ces droits individuels, d'un côté, justifient l'État, hein, parce que c'est pour que ces droits individuels puissent s'exercer, puissent être garantis, protégés par une autorité, que les individus sont prêts à s'associer et à obéir à des institutions. Mais en même temps, ces droits individuels limitent la sphère d'intervention de l'État. Donc à la fois, ils justifient l'État, mais ils le limitent, c'est-à-dire que l'État ne peut pas intervenir dans la sphère garantie par les droits. La sécurité mise en place par l'État, elle est une nécessité, elle est nécessaire pour assurer la liberté, c'est-à-dire le plein exercice de leurs droits par les individus, comme la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer, la liberté de pratiquer le culte de son choix, etc. Toutes ces libertés fondamentales garanties par les droits doivent pouvoir être exercées, et donc c'est à l'État de le rendre possible en instaurant la sécurité qui est donc la condition d'exercice des libertés individuelles. Le libéralisme politique défend ainsi l'affirmation de ce qu'on appellera plus tard l'état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel le pouvoir de l'État, le pouvoir des institutions est encadré par la loi et les individus sont protégés par des garanties légales.